Bulinie sebri se. Thre se visa ki ne trobe pa le cemi. Le cemi de reste de bou. Ielo en cevetre. Se ye de sedui both frem. Se ye de spreme bomat. Se ye de bou ide pochemi. Bulinie sebri se pou forme. Diacronin de la vie. Pour former un progéniture dans les lignées, pour former vos futurs lignées. Frère avisa qui ne trouvait pas les chemis de rester debout, yélo en chevetré. Transmettre passage sur release, transmettre message dans l'écho, transmettre vos émotions et larmes de you. Le cubatin didi qui visait le tissu sans déchirer le tessi. Le cubatin dans son sentiment qui cassait ses idées sans déchirer le contenu. Frère avisa qui ne trouvait pas les chemis de rester debout et alors, échevetré, transmettre des passages surréalistes, transmettre de messages dans l'écho, transmettre vos émotions et larmes de you. Fra visa qui ne trouve pas les chemis de rester debout et alors en chevetré, essayez de séduire votre femme, essayez d'exprimer vos mots, essayez de vous guider vos chemis. You, c'est ça, les gars.